Élise, écrit par Hans Christian Andersen, lu par Armen pour audiocité.net. Il y avait une fois une jeune femme d'humeur si douce, si aimable que chacun l'aimait. Il y avait, entre autres voisins de la maison qu'elle habitait, une vieille sorcière dont elle était la grande favorite. Un jour, cette vieille sorcière lui dit qu'elle avait un beau présent à lui faire. « Voyez, lui dit-elle, voici un grain d'orge qui ne ressemble guère à ceux qui croissent dans les champs du fermier, ni à ceux que l'on donne à la volaille. Plantez-le dans un pot à fleurs, prenez-en bien soin et vous verrez ce qui arrivera. » « Mille fois merci, dit la jeune femme. » Et là-dessus, elle s'en revint tout droit chez elle et planta dans un pot à fleurs le grain d'orge que lui avait donné la sorcière. Il y poussa tout aussitôt une grande et belle fleur. Mais les feuilles de cette fleur étaient toutes fermées. On eût pu croire que c'était autant de boutons. « La magnifique fleur que voilà, dit la jeune femme en se penchant pour baiser ses pétales rouges et jaunes. À peine ses lèvres eurent-elles touché la fleur que celle-ci rendit un son sourd et entr'ouvrit son calice. Alors la jeune femme put voir que c'était une tulipe, et au milieu du calice, tout au fond, se trouvait une jolie petite fille. Elle n'avait guère plus d'un pouce de haut, et la jeune femme lui donna pour nom Élise. Elle fit à ce petit être un berceau d'une coquille de noix, puis lui apprêta une feuille de violette pour matelas et une feuille de rose pour couverture. Élise dormait la nuit dans ce berceau, et pendant le jour, elle jouait sur la table. La jeune femme plaça sur la table une assiette pleine d'eau qu'elle entoura de fleurs. Les tiges des fleurs plongeaient tout au fond de l'eau. À la superficie flottait une grande feuille de tulipe, et sur cette feuille de tulipe se tenait la petite Élise, qui naviguait d'une extrémité de l'assiette à l'autre, en se servant à cet effet de deux crins blancs en guise d'aviron. Tout cela était d'un effet charmant. D'ailleurs, Élise savait aussi chanter, mais d'une jolie petite voix si délicate que jamais on n'en entendit pareille. Une nuit qu'elle était couchée dans son berceau, un affreux crapaud sauta jusqu'à elle à travers un carreau de la fenêtre qui était cassé. C'était un gros crapaud bien laid, et il sauta tout à coup sur la table où Élise dormait sous sa feuille de rose. « Ma foi, voilà qui ferait une jolie petite femme pour mon fils, » dit le crapaud. Et en parlant ainsi, il prit la coquille de noix dans sa bouche et s'enfuit avec dans le jardin à travers le carreau. Un large ruisseau coulait dans ce jardin, mais les bords en étaient tout marécageux. C'est là qu'habitaient le crapaud et son fils. Oh, que ce fils lui aussi était donc laid! Il ressemblait trait pour trait à monsieur son père. Et tout ce qu'il put dire en voyant la jolie petite fille dans la coquille de noix, ce fut « Quac, quac, paquette. Ne parle donc pas si haut !» lui dit le vieux. « Sans cela, tu la réveillerais, et elle pourrait aisément nous échapper, car elle est plus légère que du duvet de cygne. Nous la poserons sur une grande plante dans le ruisseau. Ce sera toute une île pour elle. » Et de la sorte, elle ne pourra pas nous échapper. Pendant ce temps-là, nous bâtirons dans la vase la maison que vous habiterez tous deux. Il y avait dans ce ruisseau une innombrable quantité de grandes plantes. La plus éloignée était en même temps la plus grande d'entre elles. Ce fut vers cette plante que le vieux crapaud se mit à nager, et il y déposa la coquille de noix avec la jolie petite fille qui était dedans. La petite Élise se réveilla le lendemain matin de bonne heure. Quand elle regarda tout autour d'elle, lorsqu'elle reconnut où elle se trouvait, que sa nouvelle habitation était entourée d'eau de toutes parts, et qu'il n'y avait plus de possibilité pour elle de regagner le rivage, elle se prit à pleurer amèrement. Pendant ce temps-là, le vieux crapaud travaillait activement dans la vase et ornait son édifice de fleurs jaunes et rouges, afin qu'il fût tout à fait digne de sa future bru. Puis, en compagnie de son vilain fils, il se rendit à la petite île de feuilles où Élise reposait. Il venait y chercher son joli petit berceau, afin de le placer dans la nouvelle chambre d'Élise avant qu'il l'y conduisît elle-même. Le vieux crapaud s'inclina respectueusement dans l'eau devant elle, puis lui présenta son fils en disant « Voici mon fils qui va devenir votre mari et avec qui vous vivrez bien heureuse là-bas dans la vase. » Quac, quac, brécac. Ce fut là tout ce que l'intéressant fiancé trouva à dire dans la circonstance. Alors ils prirent tous deux le joli petit lit et partirent avec à la nage, tandis qu'Élise restait toute seule sur sa feuille, poussant de grands cris, car elle ne se réjouissait pas du tout de vivre désormais avec cet affreux crapaud, et bien moins encore d'avoir son odieux fils pour mari. Mais ne voilà-t-il pas que les petits poissons qui nageaient sous l'eau avaient vu le crapaud, et qui plus est, qu'ils avaient parfaitement entendu tout ce qu'il venait de dire. Ils élevèrent donc leur tête au-dessus de l'eau, afin d'apercevoir la charmante petite créature. À peine l'eurent-ils entrevue, que tous, sans exception, se sentirent émus à l'aspect de tant de grâce et de beauté. Et il leur parut bien dur qu'une si jolie fille devint la proie d'un horrible crapaud. Ils se rassemblèrent en conséquence autour de la tige verte de laquelle s'échappait la feuille où se trouvait Élise, et firent tous si bien avec leurs dents qu'ils l'eurent bientôt rompue en deux. Alors la feuille et Élise s'en allèrent bien loin, portés par le courant là où le crapaud ne pouvait plus venir. Et la jolie petite fille navigua de la sorte à travers une foule de villes et de villages. Et quand les oiseaux sur les arbres l'apercevaient, ils chantaient « Oh, quelle jolie petite fille !» Mais la feuille, pendant ce temps-là, s'en allait toujours plus loin, plus loin. Élise fit ainsi tout un voyage dans les pays étrangers. Pendant quelque temps, un joli petit papillon blanc avait voltigé au-dessus d'elle. Il finit par se poser tout à fait sur la feuille, parce qu'il se plaisait beaucoup avec Élise, qui, de son côté, ne fut pas fâchée non plus de cette visite. Car le crapaud ne pouvait plus désormais venir près d'elle, et puis la contrée qu'elle habitait était si ravissante. L'eau réfléchissait si bien les rayons du soleil qu'elle en avait tout le resplendissant éclat. Il vint alors à l'idée d'Élise de dénouer sa ceinture, puis d'attacher l'une de ses extrémités au papillon et l'autre à la feuille. Ce fut bientôt fait. Alors, elle descendit le courant avec bien plus de rapidité encore, et vit de la sorte bien plus de pays qu'elle n'aurait pu en voir sans cela. Mais survint tout à coup un hanneton qui vous la prit avec ses longs bras passés autour de sa taille si svelte et si mignonne, et qui vous l'emporta au haut d'un arbre. Pendant ce temps, la feuille continuait à être emportée par le courant, et le papillon était obligé de la suivre, car il ne pouvait pas rompre son lien, tant Élise l'avait fortement attaché. Hélas! Quelle ne fut pas la terreur de la pauvre petite quand elle vit que le hanneton l'emportait vers l'arbre, mais elle n'éprouvait pas moins de chagrin au sujet du petit papillon. Elle savait qu'il devait infailliblement périr, à moins que quelque événement heureux ne l'arrachât à la feuille verte à laquelle il était attaché. Rien de tout cela ne produisait la moindre impression sur le hanneton, qui vous la plaça sur une grande feuille, lui donna un peu de miel à manger, et lui dit qu'elle était charmante, quoiqu'elle ne ressemblât pas à un hanneton. Alors arrivèrent à l'envi tous les hannetons qui habitaient le même arbre. Ils présentèrent leurs hommages à Élise et l'examinèrent des pieds à la tête. Pendant ce temps, les jeunes hannetons retournaient leurs antennes en disant « Comment ? Elle n'a que deux jambes ? Oh, que c'est laid !» et elles ajoutaient « Mais c'est qu'elle n'a pas du tout d'antenne, et elle est aussi maigre de corps qu'un être humain. Ah là, vrai, elle est hideuse à voir !» Et toutes mes dames les plus jeunes hannetonnent de répéter à l'unisson « Ah, elle est tout à fait hideuse !» Et cependant, Élise était si jolie. C'était bien là aussi ce que pensait le hanneton. Mais à la fin, voyant que toutes les hannetonnes la trouvaient laide, il commença à le croire aussi et résolut de ne plus s'occuper d'elle. « Qu'elle aille où elle voudra !» dit-il. Et en parlant de la sorte, il vola vers la terre avec elle et la déposa sur une marguerite. Alors la pauvre petite créature se prit à pleurer amèrement d'être si laide qu'un hanneton lui-même ne voulait plus avoir rien de commun avec elle. Pourtant, malgré l'opinion si tranchante émise par mesdames les hannetonnes, Élise était bien la plus petite créature, la plus aimable, la plus ravissante qu'il y eût au monde, aussi belle, aussi délicate qu'une jeune feuille de rose. Pendant tout l'été, la pauvre petite fille vécut seule dans la grande forêt, et elle s'y fit elle-même un lit avec l'herbe la plus fine. Elle le suspendit à un rocher sous une vigne vierge, afin qu'il ne fût point entraîné au loin par le vent et par la pluie. Elle recueillait pour sa nourriture le parfum des fleurs et buvait la fraîche rosée qui tous les matins couvre l'herbe. Tout l'été et tout l'automne se passèrent ainsi. Puis les oiseaux qui avaient fait entendre de si douces chansons à Élise la quittèrent et s'en allèrent bien loin. Les arbres perdirent leur vert feuillage, les fleurs dépérirent, et la grande vigne sauvage qui jusqu'alors lui avait servi d'abri s'évanouit en une tige jaune et desséchée. La pauvre petite créature tremblait de froid, car maintenant ses vêtements étaient tout usés et ses formes étaient si mignonnes, si délicates, qu'elle devait très certainement finir par périr de froid. Il commença aussi à neiger, et chaque flocon qui la touchait était comme un immense monceau pour nous autres, car, vous vous en souvenez sans doute, tout son corps n'avait pas plus d'un pouce de longueur. Tout près de la forêt où était Élise se trouvait un champ à blé, mais il y avait bien longtemps qu'on avait fait la récolte, et maintenant le chaume desséché s'élevait seul au-dessus de la terre. Cependant, c'était encore là pour Élise une grande forêt, et elle s'y rendit. Elle atteignit de la sorte la demeure d'un mulot qui se composait d'un petit trou sous le chaume. C'est là que demeurait le mulot, habitation commode et chaude, ayant un grenier tout rempli de provisions pour l'hiver, avec une jolie petite cuisine et une salle à manger sous la main. La pauvre Élise s'arrêta devant la porte, demandant l'aumône du moindre grain d'orge, car elle n'avait absolument rien mangé de la journée. « Pauvre petite créature !» dit le mulot qui avait très bon cœur. « Venez dans ma bonne chambre chaude manger quelque chose. » Et Élise lui plut tellement qu'il ajouta « Libre à vous de passer ici l'hiver avec moi, si le cœur vous en dit. Votre unique occupation sera de tenir ma maison bien propre et bien nette, puis de me raconter des histoires, car, voyez-vous, j'aime à la folie entendre raconter des histoires. » Élise fit ce que le mulot désirait, et pour récompense de sa peine, partagea son bien-être. « Nous allons avoir une visite, » lui dit un jour le mulot. « Mon voisin a l'habitude de me venir voir toutes les semaines. Il est bien plus riche que moi, car il a plusieurs chambres magnifiques et il porte un habit de velours le plus resplendissant. Oh, si vous pouviez vous marier avec lui, vous vivriez à jamais dans l'abondance. Malheureusement, il n'y voit pas trop clair. C'est la seule chose qui lui manque. » Tâchez seulement de lui raconter les histoires les plus amusantes que vous pourrez. » Mais Élise n'y voulut jamais consentir. Elle ne pouvait pas souffrir ce voisin qui n'était autre qu'une taupe. Comme on s'y attendait, le voisin fut exact à venir présenter ses respects au mulot, et comme d'ordinaire il portait son bel habit de velours. Le mulot répéta qu'il était très riche, parfaitement instruit, et que sa maison était 20 fois plus grande que la sienne. Il se peut qu'il fût très savant. Malheureusement, le voisin ne pouvait pas endurer les rayons du soleil non plus que les fleurs, et parlait avec un égal dédain des uns et des autres, encore bien qu'il ne les eût jamais vus. Élise dut chanter devant la taupe, et elle lui chanta 2 chansons. « Anneton, vole, vole, et à vous dirai-je, maman ?» La taupe trouva la petite fille tout à fait à son goût à cause de sa belle voix, mais elle se garda bien d'en rien faire paraître, car c'est un animal aussi prudent que sensible. Elle avait tout récemment pratiqué une longue galerie souterraine conduisant de sa demeure à celle du mulot, son voisin. Et elle lui permit ainsi qu'à Élise d'y venir aussi souvent que cela leur conviendrait. Seulement, elle leur recommanda de ne pas s'effrayer de l'oiseau mort qui s'y trouvait à l'entrée. C'était très certainement un oiseau mort tout récemment, car il avait encore toutes ses plumes. On eût dit volontiers qu'il avait été gelé exactement à l'endroit où la taupe avait placé l'entrée de son passage. Le voisin mulot prit alors les devants pour éclairer le chemin à ces dames. Arrivé à l'endroit où gisait l'oiseau mort, il frappa le sol avec son nez, de telle sorte qu'il se fit dans les terres voisines un petit éboulement, d'où résulta une grande brèche qui donna tout aussitôt passage à la lumière dans la galerie. Alors Élise put voir très distinctement l'oiseau mort. C'était une hirondelle. Ses jolies ailes étaient pressées contre son corps, et ses pieds ainsi que sa tête étaient tout couverts de plumes. « Le pauvre oiseau sera mort de froid, » dit Élise. Et le malheureux sort de ce petit animal lui fit une vive peine, car elle aimait beaucoup les oiseaux depuis qu'il lui avait fait entendre leur chant pendant tout l'été. Mais la taupe le repoussa durement du pied en disant « Enfin, nous n'entendrons plus le babillage de ce gaillard-là. Ce doit être en vérité une chose bien terrible que d'être né oiseau. Quant à moi, je remercie chaque jour le ciel d'avoir permis qu'aucun de mes enfants ne devint oiseau. Quels stupides êtres! Ils n'ont rien au monde que leur éternel cuic-cuic, et puis quand s'en vient l'hiver, il leur faut mourir. » « Oui, reprit le mulot, vous, personne si intelligente et si prévoyante, vous pouvez bien dire quand vient l'hiver, un oiseau n'a plus rien que son gazouillement, et il lui faut alors périr misérablement de faim et de froid. » Élise garda le silence, mais quand les autres eurent retourné le dos au pauvre oiseau mort, elle releva gentiment ses plumes et baisa ses yeux tout fermés. « Peut-être, dit-elle avec douleur, était-ce toi qui me chantais de si jolies chansons? Pauvre cher oiseau, combien de fois ne m'as-tu pas rendue gaie et heureuse ?» À ce moment, la taupe s'arrêta de nouveau à l'ouverture qui donnait passage à la lumière, puis elle reconduisit Élise et le mulot chez eux. Cependant, Élise ne put pas fermer l'œil de toute la nuit. Elle se leva de bonne heure, tressa un abri en foin, le traîna jusqu'auprès de l'oiseau mort et l'encouvrit complètement, afin qu'il eût plus chaud sur ce sol si froid. « Adieu, joli petit oiseau, » lui dit-elle. « Adieu. Laisse-moi encore te remercier 1000 fois pour les joyeuses chansons que tu me faisais entendre cet été, quand les arbres étaient ouverts et lorsque le soleil dardait sur nous tous ses rayons si bienfaisants, si chauds. » Ensuite, elle approcha sa petite tête de la poitrine de l'oiseau. Mais elle tressaillit, car il lui sembla que tout mouvement n'y était pas encore éteint. C'était le cœur de l'oiseau. Il n'était pas mort, mais seulement engourdi. Et maintenant qu'un peu de chaleur arrivait jusqu'à lui, il revenait à la vie. En automne, les hirondelles s'enfuient vers des contrées plus chaudes, et quand parmi elles il s'en trouve de plus faibles que les autres, et que le froid les saisit, elles tombent sur le sol, et y restent couchées comme mortes, jusqu'à ce que la neige vienne les couvrir. En voyant l'oiseau se relever, le premier mouvement d'Élise fut d'éprouver un peu de frayeur, car à côté d'elle, c'était un vrai géant. Mais elle reprit bientôt ses esprits, pressa encore plus exactement l'abri en foin contre le petit animal épuisé, puis puis s'en alla lui chercher des feuilles de menthe desséchées qui lui servaient à elle-même de couverture afin qu'il pût y reposer sa tête. La nuit suivante, elle se glissa de nouveau vers l'oiseau qu'elle trouva tout à fait revenu à la vie, mais si faible encore qu'il pouvait seulement entr'ouvrir les yeux, et alors seulement pour regarder Élise. « Je vous remercie mille fois, aimable petit enfant, » lui dit l'hirondelle malade. « Je suis maintenant si complètement réchauffée que je ne tarderai pas à recouvrer mes forces et à me trouver en état d'aller regagner les chauds rayons du soleil. »« Oh, il fait bien trop froid dehors, » répondit Élise. « Il neige et gèle si dur. Consentez seulement à rester maintenant tranquille dans votre lit si chaud et je vous promets de bien prendre soin de vous. » Elle apporta alors à l'oiseau sur une feuille de quoi boire, et celui-ci lui raconta comment il s'était blessé à l'aile contre un buisson d'épines, comment cet accident l'avait empêché de s'envoler avec tous ses camarades vers les pays chauds, et comment il était retombé épuisé sur le sol où il avait perdu toute conscience de lui-même. La petite hirondelle passa là tout l'hiver. Pendant ce temps, Élise lui rendit les soins les plus assidus et de jour en jour s'attacha davantage à elle. Mais elle n'en dit pas un seul mot à la taupe non plus qu'au mulot, car elle savait bien que ni l'un ni l'autre ne pouvait souffrir le pauvre oiseau. Cependant, dès que vint l'été et que les chauds rayons du soleil pénétrèrent la terre, l'hirondelle dit adieu à Élise, qui maintenant avait ouvert au fond le trou par lequel la taupe laissait la lumière pénétrer dans la galerie souterraine. Le soleil brillait si radieux que l'hirondelle se retourna une dernière fois pour demander à Élise, sa chère petite nourrice, si elle n'était pas tentée de partir avec elle. Elle lui dit que rien ne lui serait plus facile que de se placer bien commodément sur son dos, et qu'elles regagneraient ainsi toutes deux la verdoyante forêt. Mais Élise pensa qu'elle causerait un vif chagrin au bon mulot si elle partait ainsi en secret, et elle se crut obligée de refuser l'offre si bienveillante de l'hirondelle. « Alors, encore une fois, adieu, ô vous douce et bonne jeune fille !» dit l'hirondelle, et elle prit son vol vers le soleil. Élise la suivit longtemps des yeux. Ses paupières étaient toutes chargées de larmes, car elle aimait beaucoup ce bon et gracieux oiseau. « Quic, quic !» fit l'hirondelle, et elle disparut dans la forêt. Maintenant, Élise était tout entière à la tristesse, et il ne lui arrivait que fort rarement de quitter le trou obscur qui lui servait de refuge. Le blé s'élevait bien au-dessus de sa tête et formait une épaisse forêt tout autour de la demeure du mulot. « À présent, vous pouvez employer vos mois d'été à travailler à vos vêtements de noces, » lui dit un jour le mulot. Et en effet, leur voisin, l'ennuyeuse taupe, s'était enfin décidé à demander Élise en mariage. « Je vous donnerai tout ce dont vous avez besoin, » ajouta le bon mulot, « afin que vous ne manquiez de rien quand vous entrerez en ménage avec la taupe. » Alors Élise dut rester tout le long du jour activement occupée à mettre ses hardes en état, et le mulot prit à son service 4 araignées des plus habiles et leur fit tisser de la toile jour et nuit. Tous les soirs, la taupe venait rendre sa visite, et elle ne manquait pas tous les soirs de souhaiter que l'été finît bientôt et que la chaleur cessât, parce qu'une fois l'hiver venu, son mariage serait célébré. Élise n'était pas du tout joyeuse d'entendre dire cela, car elle ne pouvait qu'à grand-peine se décider à jeter les yeux sur la laide taupe, malgré toute la richesse de son vêtement de velours. Soir et matin, elle sortait un peu sur le pas de sa porte, et quand le vent, en écartant les épis, lui permettait d'apercevoir l'azur du ciel, il lui paraissait si beau dans son immensité qu'elle souhaitait alors revoir encore une fois sa chère hirondelle. Mais l'hirondelle ne venait jamais. Elle aimait bien mieux, en effet, se réjouir dans les vertes forêts aux chauds rayons du soleil. Quand vint l'automne, Élise avait préparé tout son trousseau. « Votre noce aura lieu dans un mois, » lui dit le mulot. En l'entendant parler de la sorte, Élise ne put que pleurer, et elle déclara qu'elle ne consentirait jamais à épouser la stupide taupe. « Fadaise que tout cela !» répondit le mulot. « Allons, voyons, ne faites pas l'obstiné et ne me forcez pas à vous mordre avec mes dents aiguës. N'est-ce pas là un excellent parti ? Et une reine elle-même pourrait-elle nous montrer une robe de velours aussi belle que le vêtement de votre époux ? Sa cuisine et sa cave sont d'ailleurs parfaitement approvisionnées et vous devriez plutôt remercier la Providence de vous avoir si bien pourvu. » Ainsi la noce allait avoir lieu. Déjà la taupe était venue chercher Élise, qui dorénavant devait vivre avec elle bien profondément sous terre, là où les rayons du soleil ne pouvaient jamais pénétrer. La pauvre petite fille se sentait bien malheureuse d'être obligée de dire adieu pour toujours à son cher ami le soleil, que tout au moins il lui avait jusqu'alors été donné d'entrevoir du pas de la porte de l'habitation du mulot. « Adieu, soleil chéri !» s'écria-t-elle en levant les mains vers le ciel et en faisant quelques pas en dehors de la modeste demeure. Car alors le blé avait encore une fois été récolté, et elle se trouvait encore une fois au milieu du chaume dans les champs. « Adieu, adieu !» répéta-t-elle en jetant ses bras autour d'une fleur qui se trouvait à côté d'elle. « Saluez de ma part la gracieuse hirondelle quand vous la verrez !» ajouta-t-elle. « Quic, quic !» répétèrent au même instant les échos d'alentour, et en levant les yeux, Élise aperçut sa chère petite hirondelle qui voltigeait par là. Dès que l'hirondelle reconnut Élise, elle aussi, elle devint toute joyeuse et se précipita aussitôt vers sa jolie petite nourrice qui lui raconta combien il lui répugnait d'épouser l'affreuse taupe parce qu'il lui faudrait s'enfoncer et vivre sous terre là où jamais le soleil ni la lune ne l'éclaireraient de leurs doux rayons. Et tout en parlant de la sorte, elle fondit en larmes. « Voyons, lui dit l'hirondelle, « le froid d'hiver revient de nouveau et je me dirige en ce moment vers les contrées plus heureuses où il est inconnu. Voulez-vous partir avec moi ? Je vous porterai volontiers sur mon dos. Il vous suffira de bien vous attacher à moi avec votre ceinture. De la sorte, nous pourrons voler de conserve loin de cette maussade taupe et de sa sombre demeure, par-dessus montagnes et vallées, pour gagner les belles contrées où le soleil conserve toujours sa force, où l'été règne constamment et où de magnifiques fleurs ne cessent jamais de s'épanouir. Allons, chère petite Élise qui m'avait sauvé la vie quand je gisais gelée sur la terre, prenez du courage et venez-vous-en avec moi. » « Oui, je le veux bien !» s'écria joyeusement Élise. Elle monta alors sur le dos de l'hirondelle, plaça ses petits pieds sur les ailes déployées de l'oiseau, se lia par sa ceinture à une forte plume et partit avec l'hirondelle dans les airs par-dessus les bois et les lacs, les vallées et les montagnes. Élise souffrit souvent du froid quand il leur arrivait de franchir des glaciers et des pics couverts de neige, mais alors elle se cachait sous les ailes et au milieu du chaud duvet de l'oiseau et elle ne passait la tête dehors que tout juste assez pour admirer le magnifique spectacle qui se développait de tous côtés à ses regards. Enfin, elles arrivèrent dans les pays chauds. Le soleil y est bien plus radieux que chez nous, le ciel bien plus élevé. Les plus magnifiques raisins blancs et noirs y croissent le long des haies. On y rencontre de tous côtés dans les bois à portée de la main des citrons et des oranges bien mûrs, et l'air y était alors embaumé de la douce senteur du thym et du myrte, tandis que de beaux enfants couraient çà et là et jouaient avec des papillons aux vives et gaies couleurs. Cependant, l'hirondelle s'en allait toujours, toujours plus loin, et les contrées nouvelles qu'elle apercevait au-dessous d'elle devenaient de plus en plus magnifiques. À côté d'un lac, sous un dôme formé par de gracieux acacias, s'élevait un vieux palais de marbre. Des pampres verdoyants entouraient amoureusement ses colonnes, et au sommet de ces colonnes, à leurs chapiteaux, étaient suspendus un grand nombre de nids d'hirondelles. Ce fut dans un de ces nids que l'oiseau conduisit Élise. « C'est ici que je demeure, lui dit-il. mais choisissez pour habitation la plus belle des fleurs qui croissent en bas sur la terre. Je vous y conduirai et vous y aurez tout ce dont vous pourrez avoir besoin. Oh, que cela serait beau ! S'écria Élise, et elle se prit à battre des mains de joie. À terre gisait étendue une grande colonne de marbre que l'ouragan avait jadis renversée et brisée en morceaux. Mais entre ces débris croissaient de jolies fleurs toutes blanches, les plus charmantes fleurs qu'on pût voir. L'hirondelle vola vers l'une de ces fleurs avec Élise et l'y déposa sur une large feuille. Jugez un peu de la surprise d'Élise en s'apercevant qu'au fond du calice de cette fleur se trouvait un tout petit homme, aussi beau, aussi transparent que du cristal. Il avait sur sa tête une gracieuse petite couronne, et à ses épaules de magnifiques ailes. Et avec tout cela, il n'était pas d'un brin plus grand qu'elle-même. C'était l'ange de cette fleur. Dans chaque fleur, voyez-vous, habite un de ces petits êtres. Or, celui-là était le roi de tous les anges des fleurs. « Oh, regardez un peu comme ce roi est donc beau !» dit Élise tout bas à l'oreille de l'hirondelle. L'arrivée de ce grand oiseau surprit un peu le prince, mais dès qu'il aperçut Élise, il devint aussitôt épris d'elle, car c'était bien la plus jolie fille qu'il eût encore vue. Alors il ôta sa couronne d'or de dessus sa tête et la plaça sur celle d'Élise. Puis il lui demanda son nom, et si elle consentait à devenir sa femme, ajoutant que si elle accueillait favorablement sa demande, elle serait la reine de toutes les fleurs. Ah, c'était là, je vous prie de le croire, un mari bien différent du fils de cet affreux crapaud que vous savez, et aussi de cette lourde et stupide taupe aux magnifiques vêtements de velours. Aussi, Élise répondit-elle oui au beau prince. Et alors, de toutes les autres fleurs sortirent, soit un petit monsieur, soit une petite dame, tous d'une beauté et d'une élégance merveilleuses, et qui s'en vinrent offrir des présents à Élise. Mais le plus utile de tous ceux qu'on lui donna en cette occasion fut une paire d'admirables petites ailes blanches qu'elle s'attacha bien vite aux épaules, et alors elle put désormais voltiger de fleur en fleur. La joie et le bonheur régnaient dans toute l'assistance. L'hirondelle, pendant ce temps-là, était restée perchée sur le bord de son nid et chantait du mieux qu'elle pouvait, quoique à ce moment elle éprouvât assurément une peine bien vive. Elle aimait tant Élise qu'elle aurait voulu ne jamais la quitter. « Adieu, adieu !» cria alors la gracieuse petite hirondelle. Et elle partit de nouveau des chaudes contrées pour s'en aller bien loin, de vers le petit royaume de Danemark, où elle bâtit son nid au-dessus de la fenêtre du bonhomme qui sait si bien raconter des histoires qu'il pourrait dire « oui, oui » qu'avant elle. Et c'est de cette même petite hirondelle que nous avons appris le merveilleux récit que vous venez d'entendre.